Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue chez vous, bienvenue chez Dr Disco et Mr Funk, votre émission sur Fadjet. C'est samedi, le week-end est pas mal entamé et on va essayer de se faire plaisir tout au long de notre rendez-vous. On enchaîne tout de suite sur la découverte du jour. Je vous ai dégoté un petit groupe bien funky qui s'appelle Heatwave. Le titre The Groove Line est une bombe en puissance. Pour l'anecdote, ce sont eux qui sont à l'origine du tube Boogie Night qui sera entre autres repris par Casey and the Sunshine Band et The Weather Girl. Le morceau l'on va écouter date de 1978. Vous vous rappelez la dernière fois mon hésitation ? Eh ben c'était le deuxième choix. Bon, en réalité, j'ai décidé de vous le présenter. C'est parti, on y va. Pour la double dose, on va s'attaquer à un monument du genre, j'ai nommé Earth, Wind & Fire. Le groupe a été formé en 1969 à l'initiative du chanteur Morris White. Le nom du groupe est une association des éléments de l'astrologie où l'air a été remplacé par le vent, tout simplement. Durant les années 70, leurs concerts sont grandioses. Costumes réalisés par un couturier, ainsi que des éléments de magie intégrés par David Copperfield lui-même. À la fin de cette décennie, la formation se tourne vers une production plus disco-funk et remplit le stade de Wembley 5 soirs de suite, rien que ça. Comme beaucoup d'autres, les années 80 leur seront synonymes de long déclin et le chanteur va mourir en 2016, mais le groupe, qui a subi plusieurs transformations, continue à donner quelques concerts. Les plus anciens d'entre nous, qui ont connu Ciné Dimanche sur TF1, ont sans doute reconnu la chanson In the Stone qui servait de générique, et plus proche, la démonstration de Marcy dans Intouchable, qui danse sur September. Cette chanson a été composée à 6 mains en un mois. Elle sort en 1978, année où ils sont au top du top. Après quelques polémiques au sein du groupe sur l'écriture du refrain Badeya, les compositeurs finirent par conclure que peu importe le refrain, tant que le groove est présent. Plusieurs théories ont été émises sur le choix, la date, 21 septembre, mais finalement on a appris que c'était seulement parce qu'elle sonnait bien qu'elle était chantée. On va écouter September et Let's Groove. Partageons nos passions sur Fadjet. Pour le maxi du jour, on va écouter un groupe qui, de mémoire, n'est pas encore passé dans notre émission. C'est Imagination. La chanson, c'est Body Talk. Sortie en 1981, elle atteint la 4e place des hit-parades anglais. Le rythme est languissant, loin des standards du groupe, mais quel tube ! C'est aussi le premier 45 tours du groupe à paraître. Ça me fait penser qu'Imagination est, bien sûr, tout naturellement, candidat aussi à une double dose. C'est parti pour Body Talk. Pour l'instant français, un interprète qu'on n'a plus l'habitude d'entendre, c'est le groupe Space. Didier Marouani compose, sur le pseudo de Kama, des chansons pour Régine, Nicoletta et Gloria Gaynor. En entendant la musique de Jean-Michel Jarre, il décide de lancer un projet du même type. Il l'appelle Space et s'associe avec Roland Romanelli et Madeleine Bell. Le premier 45 tours, Magic Fly, s'impose dans le monde entier, y compris en URSS. Alors, c'est l'ancien nom de la Russie d'aujourd'hui. Trois albums vont s'enchaîner jusqu'en 80, date à laquelle Didier quitte le groupe. Si vous avez l'occasion de voir leur clip, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à Daft Punk avec leur casque. C'est bien sûr maintenant. un son bien particulier, mais après tout, on n'est pas là pour découvrir des nouvelles choses. Bah, je pense que si, moi. Donc, maintenant, on va passer à la pépite du jour. Et là, j'ai décidé de vous faire écouter Village People. Bon, ça, tout le monde connaît, il n'y a pas de souci. Par contre, je vais vous faire écouter un extrait de leur troisième album, Cruising, sorti en septembre 78. C'est celui où figure le hit mondial YMCA. Bah, moi, j'ai décidé de vous faire découvrir une chanson, que dis-je, une véritable ode à la femme. Avec un titre comme The Woman, il ne peut pas en être autrement. Le titre, eh ben, il fait la face B de YMCA. Alors, mon avis perso, il aurait très bien pu faire la face A d'un autre 45 tours. Un son bien disco, comme on va le découvrir maintenant. Since the beginning of time. gros gros coup de cœur pour moi sur cette chanson. Alors on la dédicace à toutes les auditrices, toutes les femmes qui nous écoutent, toutes les femmes qui nous entourent et toutes les femmes qui travaillent avec nous. Voilà. Donc c'est malheureusement la fin. Oui, toutes les bonnes choses ont une fin, mais quelque chose me dit qu'on se reverra la semaine prochaine sur notre radio favorite Fadjet pour un nouveau numéro de Dr Disco et Mr Funk. Consultation samedi prochain, 19h, même heure, même endroit. Bye bye.